qu'on coupe à tout pas. Je t'en tape, je t'en tape. J'ai cul de train, on te plaint. T'as vécu de ça, on te plaint. Si j'en paye les vitres anciennes, mais c'était ton carré. Si tu mettre que flotte, est-ce qu'il n'y a pas ta chauffe, fasse la métal. Tu crois que c'est le chêne d'Arclès, tu connais notre matrice. Mais de qu'est-ce t'as agresse, le plombier. T'as la valeur, la gicule. On vient d'écliter ton carré. Si tu mettre que flotte, est-ce qu'il n'y a pas ta chauffe, fasse la métal. Tu crois que c'est le chêne d'Arclès, tu connais notre matrice. Mais de qu'est-ce t'as agresse, le plombier. La mauvaise herbe pousse tous dans le blues. On est vaculeux. Stress qui oppresse, mec. Rien de miraculeux. Y'a que la vie qui m'apaise et éjecte toute ma haine. Mieux vaut pire de la foi que vivre sans gêne. Chaque semaine, check les faits divers. Les samedis, les jeux n'ont rien à faire. Encore. La consommation finit par tuer le plaisir. Des choses simples, t'arrives plus à saisir. Une vie entière pour gagner quelques euros. Mais qu'est-ce que t'espères avec ceux qui nous restent? 10 bars, tu veux faire un test. On connaît tous le résultat, c'est pire que la piste. Un mal qui infeste. Tu gagnes à New York, bientôt y'aura de fiesta. Joe, Romain n'est pas con parce qu'il est présent. Tout simplement le sens que tu mets dedans. On vient mériter ton carré. Si tu mets trop de flot, t'es carré. Pas ta chauffe, fasse la métal. Tu crois c'est le jeune d'Arknet, tu connais notre matrice. Mais le caisse t'agresse, le plombier. T'as la valeur, la gicule. On vient mériter ton carré. Si tu mets trop de flot, t'es carré. Pas ta chauffe, fasse la métal. Les yeux vitreux scotchés devant ma feuille, j'misque sur le sarrap et visque les fils de qui chatte et disque. Nos disques sont trois corps normal, j'suis pas en accord avec ta mère. J'te crache mon produit visqueux pour t'arrêter briste. D'être rien à foutre des conseils, j'm'entête insiste le beat, tu pues la défaite, tu déguises comme une pouffe pendant que j'aiguise. Le savoir m'en sert en guise de ressources pour ne pas être en rade en pleine course. J'pousse le niveau, repousse mes limites, pense mes bourses sur la table. J'reste inaccordable avec leur façon de voir les choses. Inassociable au rapide, je baisse, je maîtrise mes fers, mes crises de nerfs et crises et fers. Tu déprimes et laisses tout. Darkness, Calpis, Paris, qui t'agresse. Donc tes fesses encaissent tout, tu vas sucer nos 16 coups. La peine n'est pas dans tous les gènes. La force de couler dans nos veines se transforme en haine. Qu'est-ce que vous espériez? Ça les rendre féroce. De voir qu'on s'en sort même plus, même quand les deux bossent. Tout brûlé n'est pas dans mon optique. Si t'as maté mes titres, mon arme c'est mon pic. Mais pour les autres, imagine ce qui reste. Arrêt de bus, brin, ce coup de pompe, petit warcaisse. Difficile de se faire dans ce monde. Trop de bombes, trop de tombes. En ce début de siècle, vrai hécatombe. À poursuivre ceux dont on jette des bobs. Garde pas bien se cacher quand tout son corps. Peu rappelé, leur bar atteint, c'est fini pour certains. Seulement ils ont la même mise dans le destin. Et pour en finir seul, ça met du temps. T'échapperas pas ton temps. C'est du maître que flot, texte, caméra, pas ta chasse.